Je vois, vous avez cru que parce qu'on y dit le pianiste, il joue du piano. Enfin, n'est-ce pas, au premier abord, ça se souvient. Oui, oui, oui, c'est une erreur qui se comprend. Mais si vous le connaissiez, Nicoviste, tu le vois, le grand Jules en train de jouer une valse. Ça serait joli. On le prendrait le samedi soir pour qu'il nous accompagne notre chanson. Mais au fait, pourquoi l'appelle-t-on pianiste? Oh, c'est une toute vieille affaire d'il y a au moins 20 ans. Pour vous dire, ce Jules, c'est un de ces gaillards qui a passé sa vie à se ruiner à force de gagner de l'argent. Il n'aime rien qu'à se baisser. Oui, oui, il paraît que ça le congestionne. Alors, comme il a des sous mignons qui tiennent son père, toutes les fois qu'il s'est trouvé une occasion de se faire ratiboiser quelques billets de 100 ou 2000, en étant plus malin que les autres, il l'a fait. À la fin de notre guerre, il spéculait sur le marché. Naturellement, et puis au lieu de placer son argent sur des terres, il a toujours eu un tiroir plein de papiers. De ces boursiers que vous avez achetés 1000 francs un jour, et puis un beau matin, le journal vous dit que ça ne vaut plus que 3 fois 50. Enfin, un spéculateur, voilà, voilà. Mais c'est plus fort que lui, il a ça dans le sens. Jour non jour, il faut qu'il cherche à acheter ici, à vendre ça. On a toujours dit qu'au lieu de rester à la campagne, il aurait eu meilleur de se faire dans les foires. Ça y aurait plus. Et c'est de ça que ça y est venu. Ah, ben, je ne vois toujours pas le rapport, moi. Ah, mais j'y arrive, voilà. Ça fait que deux fois, on avait été avec la société de chant, un concert de Giron. Ça se disait en ce temps-là, un concert d'arrondissement. Ça se passait à Vevey. Et là, comme de juste, on avait chanté un chant, et puis on avait eu deux banquets. Oui, juste la proportion pour se mettre en voie, quoi. Oui, ah, oui. Le banquet du midi, qu'on n'avait pas encore chanté, on était rangé par société. Bien sage, avec notre serviette autour du cou. Mais le soir que tout était fini, on s'était débandé. Apéritif dessus, trois de ci, là. Ils étaient toute une bande de 3-4 sociétés qui s'étaient trouvées mélangées autour d'une table. Parmi eux, le Jules, et naturellement le voilà en train de ruminer comment il pourrait faire une bonne affaire. Surtout que parmi ceux de la table, ils s'en trouvaient qu'on disait qu'ils avaient des sous. Café, pousse-café, toast à la patrie, remerciement contre remerciement. Forcément que vers les 11h, minuit, mes gaillards avaient la plante des pieds qui enflait joliment. Et les idées s'embrouillaient un peu autour des lustres. Ça fait que mon Jules ne peut plus se retenir. Il en prend un à part, un de cordier. Il commence à y faire l'article sur une jument qu'il avait à l'écurie. L'autre qui brillait qu'on aurait dû une réclame pour la cigoline se laissait embobiner. Top là, cheval vendu, 900 francs. Et le Jules devait aller le lendemain le lui amener chez lui. C'était une mauvaise jument ou quoi? Pas même, non. Oh, tu n'es pas malhonnête, le Jules. Il aime vendre et acheter, quoi, mais rien de plus. Bref, là-dessus, la fête se trouve bien obligée de finir dans le courant de la nuit. Les gens se rentrent. C'était le temps où on allait à Chardin. Et puis le lendemain, tout était rentré dans l'ordre, sauf que ces chanteurs étaient bien un peu avoués. Mais quoi, on n'a rien sans rien, je crois. Où ça se gâte? C'est quand même les 10h, le gaillard de Corsier voit arriver mon Jules avec sa jument. Voilà la bête, dit le Jules. Quelle bête? Ben, celle que vous m'avez achetée cette nuit à Vevey. Diable me brûle si j'achetais une jument cette nuit. Ben, dit bien sûr, était-moi hier. Forcément que ce gaillard de Corsier n'avait pas besoin de cheval et qu'il se rappelait de rien de rien. Et voilà, dans tous ses états, Jules avait l'air sûr de son affaire. La jument avait bonne façon, mais ça n'est pas une raison d'en acheter une quand on n'en a pas besoin. De pas. Ça fait que pour gagner du temps, il le fait entrer dans la chambre. Et les voilà qui ouvrent une bouteille. Excusez-moi une minute que fait Jules de Corsier. J'ai une commission à faire, je reviens dans un quart d'heure. Faites, le matin est pris. Et le Jules reste devant sa bouteille avec la femme de l'autre qui lui tient compagnie. Ah, et où est-il l'acheteur? Oh, vous pensez bien qu'il voulait en avoir le cœur net? Et puis qui partait au renseignement par le village, et ceux qui avaient sa fête avec lui le soir avant. Le premier qui trouve, c'était le président de la société. Un homme plein de sous, puis, oh, puis alors débrouillant, comme pas ça. Dis-moi, j'en ai un de parler, mon de Lavaux, qui vient me livrer une jument que j'ai achetée hier soir, soi-disant vers les 11h, à la couronne. Est-ce que tu te rappelles de ça? Attends-moi, attends. Pardieu, bien sûr que nous entendions en train de maquignonner une bête. Oh, charrette, va, c'est que d'être embrayé de la sorte. Oui, mais l'autre, oh, je le vois bien. T'as rougeau que tu disais, Jules. Vous devez avoir fait Schmollitz une bonne dizaine de fois. Il n'était pas tant d'aplomb non plus. Ah ben, était-elle bonne, cette jument? Oh, ben, elle allait. Alors, écoute, t'inquiète pas. Renvoie-moi ce gaillard et dis-y qu'il se trompe, puis que c'est moi qui lui ai acheté cette bête. Tu crois? Parce que... Tu sais quand même ce qu'il a dit. Il dit, t'inquiète pas, je te la reprends. Quel prix? 900. Bon, envoie-moi ton gilet. Mon gaillard revient dans le gilet, puis il fait... Mais c'est que je comprends tout maintenant. Il me semblait bien avoir entendu parler hier soir de cette jument, mais ce n'était pas à moi que vous l'aviez vendue. Allons donc. Voilà, c'est au président de la société. Vous savez, ce petit blondin avec une moustache et un col cassé. Oui, parce que c'est un citadin, il fait le paysan pour se distraire. Mais il n'aime pas tant se salir les mains. C'est lui qui vous a acheté votre jument. Vous êtes sûr? Il me l'a dit, il vous attend. C'est la villa qui est à droite derrière la fontaine, à main gauche. Bon. Voilà mon Julet, en route vers le président. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà la bête. Ah, ah, la voilà. Oh, ben je vois que vous m'avez pas trompé. C'est une belle bête. Pour son président, elle a fait deux cours de répétition sous un colonel divisionnaire. C'est uniquement parce qu'elle est modeste de nature qu'elle ne se montre pas plus le coup. Mais c'est une belle bête. Parfait. Alors, on avait dit 900. Oui, 900. Bon. En ce qui me concerne, le marché était bon. Alors, venez vite chez moi boire un verre. Ainsi, on pourra regarder ce piano. Parce que là aussi, vous verrez, je ne vous ai pas trompé. Ce piano? Hein? Oh, c'est une pièce comme on n'en voit plus. Et historique, pensez. Des hommes comme Paderousse quand ils jouaient dessus. Et du classique, je vous en garantis. Oui, mais pardon, monsieur, quel piano? Ben, vous allez le voir, c'est ce piano que vous m'avez acheté. Moi? Je vous ai acheté un piano? Sardine, tu les minuit à la couronne, et coquin qui s'en dédie. On a dit 900 francs pour la jument, 1400 le piano. Vous apporterez la jument, je vous fais livrer le piano franco domicile, et la différence est payable à 30 jours. C'est marrant, ah, je comprends tout. Et qu'a-t-il fait? A-t-il poussé l'amour du commerce jusqu'à acheter ce piano? Mais quand même pas, il est resté un moment tout est brûlé à se demander de quoi il retournait. C'est pas incroyable qu'il se pensait. Je sais pourtant bien rentrer bien droit cette nuit, même que la maman ne m'a pas entendu, alors... Mais si c'est la bise qui m'a remis d'aplomb. Ça fait qu'il n'a jamais su au juste s'il avait été entortillé en première ou si vraiment il avait déraisonné à ce point. Ben c'est de là que quand on est tourné de pointe pour l'agacer, on y dit le pianiste. Il me semblait bien aussi qu'il n'a guère l'aspect d'un virtuose. Il a bien les mains un peu fortes. Et si ça manque un rien dans la tignasse, avec ces lustres qu'ils ont dans les théâtres, quand ils joueraient, je vous garantis que son crâne ferait la rate à ceux qui sont aux galeries. Vous serez tout au bon micro. Mais il lui reste des sous tout de même, malgré ses aventures malheureuses. Je pardonne. Faut dire qu'il est un peu comme tous ces gaillards qui sont dans les affaires. Quand ça ne va pas, il sait assez plaindre, mais quand il a fait une bonne empochée, il motte tous. Personne n'en sait rien. Est-ce que vous rachetez le climat? Ben, mon Dieu, oui. Bien sûr que quand on est remplaçant, vous voyez ce que c'est, hein? On a de la peine à avoir de l'autorité sur les gosses. Ben, au fond, vous trouvez que s'il n'y avait pas ces gamins, ça serait bien agréable de faire l'école, hein? Non, je n'irai pas jusque-là, non. Mais il y a des fois que c'est dur. Surtout avec ces méthodes modernes qui empêchent d'utiliser les grands moyens. Oh, vous voulez parler des trimasses? Eh, parfaitement. Oh, vous savez, hein, ça c'est défendu, c'est un ordre, mais enfin, de temps en temps... Attendez, une bonne taloche ou même une porte escatée à un de ces gaillards qui veulent faire les pharaons. Moi je dis que ça redresse le caractère. C'est exactement mon avis, seulement c'est défendu. Alors? Oh, écoutez-moi voir ce symptôme, défendu. Mais mon pauvre régent, s'il fallait se priver sur tout ce qui est défendu, on aurait une existence misérable. On serait maigre comme un sang de clou. On aurait de ces teints jaunes avec des rides et tout. Ouah. Moi, je vous dis que cette loi est faite pour lutter contre les abus. Parce qu'un temps, abus, il y avait. Et je vous crois. J'ai même relevé un jour dans un vieil almanach. C'était un almanach du messager boiteux de... Voyons, 1800 et quelques. Et vous marquez comme ça ces choses dans un carnet? Oui, oh, j'ai toujours fait ainsi. Des fois, ça rend service. Eh bien, voilà ce que je cherchais. C'était dans un almanach de 1824. Ah, ça n'est pas d'aventure, ça, dit-on. Et alors, cet almanach, qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien, voilà. Il paraît qu'un instituteur, enfin dis-je un régent, avait noté pendant toute sa carrière les punitions qu'il infligeait à ses élèves. Alors une fois retiré, il s'est abusé à faire les additions. Il ne voulait pas perdre une miette, le gaillard, ça y manquait. Comme qui dirait un russe, hein. Cela en valait la peine, car les chiffres, les voici. Pendant 51 ans d'enseignement, il avait distribué 1572 coups de batte. 30 par an. Ça fait pas ça. Non, mais 124 000 coups de verge. Ah, exactement. Et ce qui fait 2400 par année. Diable, dans les voyages, 60 par semaine. Oui, 10 par jour. Au fond, bien sûr qu'il est un peu cassant, mais ça n'a encore rien d'excessif. Un minute, parce qu'il faut ajouter 706 727 taloches, 10 225 mornifles, 1115 800 coups à la tête. T'en poigne d'un roi gosse pour un régent. 115 000 coups à la tête, t'es bon les pires. En plus, bien entendu, diverses punitions plus raffinées. Par exemple, 22 763 poussades avec des livres classiques. Eh ben, heureusement que ça n'était pas avec des romans policiers. Hein? Écoutez ça. 776 fois, des garçons durent faire pénitence à genoux sur des poids. Et 513 fois, ils durent faire pénitence à genoux sur un bois triangulaire. 5000 ont porté le bonnet d'âne. Arrêtez, Réjean, ça suffit, vous nous faites peur. Et il a bien fait l'addition totale ou quoi, ça m'intéresserait. Et j'y venais. En 51 ans, ce pédagogue du bon vieux temps a distribué 1 480 792 punitions diverses. Et méritées. Ce qui fait environ 30 000 par an. Ou 750 par semaine, ou encore 125 par jour. Au fond, en comptant une classe de 30 élèves, ben ça ne fait jamais que 4 secouilles par jour et par gamin. Mais toi ne pas, si en ces temps-là, il n'a pas besoin de leçons de gym. Ça devait être des tours robustes. En tout ça, ceux qui ont eu la chance de tomber sur cet énergumène ont dû être adoucis pour quelques générations. Voilà, oui. Sûrement qu'au jour d'aujourd'hui, leurs arrière-petits-enfants sont encore sages comme des images et doux comme des moutons. Dis donc, où ça se passait-il, ces histoires? Pas en Suisse ou quoi? Non. Quelque part en Europe. Santé. Santé. Conservation. Alors, à votre bonne santé, messieurs. Sinon, j'indique, faut nous enlever ces vilaines visions si tu nous en maintenais une. Oh, ben, ça serait plutôt l'affaire du régent. Ah, non, vraiment pas. Non, je vous ai entendu l'autre soir. Là, je ne peux pas lutter, moi. Allez, fais pas ton modeste. Maintenant que le régent est là depuis 15 jours, ça ne prendrait déjà plus. Enfin, puisque vous me ça demandez si gentiment. Allons-y. Voyons voir. Une qu'on chante à l'école, quoi, hein? Ah, oui. À mon disant, plutôt une qui rappelle les courses d'école. Ah, oui, c'est ça. Passe au moins des bons souvenirs. Alors ne vieillira rien, oui, quoi. Oui, on va. Je pleure pas la nette. Ne pleure pas la nette. Ne pleure pas Jeannette, on te mariera avec le fils d'un prêtre. Avec le fils d'un prêtre, ou celui d'un baron, ou celui d'un baron. Je n'avais pas de prêtre. Je n'avais pas de prêtre. Encore moins d'un baron, encore moins d'un baron. J'avais mon ami Pierre. J'avais mon ami Pierre. Qui est dans la prison. N'empêche que tout a bien changé depuis le temps que vous disiez. Parce que maintenant que les régents ne sont plus des royaux gosses, comme on disait de Mantin, il faut connaître que les gamins, eux, sont aussi moins couilles. Pointeux. Eh oui, alors ça oui, ça je t'en garantis. Oh, nous, on n'était pas ça mauvais. Non, pas au village, non, parce qu'on n'était pas assez nombreux, n'est-ce pas? Il n'y avait guère moyen. Et je me rappelle d'avoir été une fois en vacances. Oui, j'avais eu la scarlatine, alors j'avais changé d'air. C'est un cousin de ma mère, là, qui habitait par la vallée. C'était tout gamin. Et ce cousin avait un web qui allait à l'école. Moi, j'allais rôder entre les heures d'école avec ceux de là-bas. Faut bien vous parler, n'est-ce pas? Et bien, une fois, figurez-vous que ces roches de gamins ont noyé leurs raisins. Noyé? Ni plus ni moins. Vous savez qu'à la vallée, les gamins apprennent à patiner en tenant encore leur biberon d'une main, n'est-ce pas? Avec le lac qui gèle tous les hivers. Ça fait qu'un jour, le régent leur dit, « Demain, on fait course en patin tout l'après-midi. » Bon. Maintenant, le soir avant la course, voilà-t-il pas que mon cousin se rentre à la maison vers les 7-8 heures. Sa maman, qui se rongeait les 5, lui administre une puissante fessée, tellement elle était contente de le voir revenir en bon état. Le gamin qui s'y attendait, il avait fait son compte avant, comme on faisait dans ses cas. Turle comme un gorin, puis tout. Et puis, comme on allait au lit, il me dit, « Tu sais, cousin, on pourrait bien avoir quelques jours de congé. Le régent tomberait malade que ça ne m'étonnerait rien, ça. » Non. Il prend l'eau manche, mais ta vie. Qu'est-ce qu'il avait encore mijoté, cette roche-là? Attends. Le lendemain départ. On se lance tous ensemble, on commence à batifoler, on joue à la courette. Et voilà mon cousin qui tape le raisin. À vous, monsieur le raisin. Bon, voilà mon raisin, c'est tout. Vous pensez bien qu'il ne voulait pas se laisser gagner par un gamin? Surtout pas par mon cousin qui était le plus fort de la classe et puis qui s'invente un peu tout. Avec qui se pique au jeu puis lui trace après. Mon cousin se détend le droit devant lui jusque bien 500 mètres d'où on était. Et toujours le régent, c'est tout. Et là-bas, au lieu de continuer tout droit, il se met à tourniquer sur place avec des zigzags, des contours brusques, des demi-tours à n'en plus finir. Jusqu'à ce que brusquement, on voit le régent qui disparaît. Plouf, dans l'eau. Moi, je pique une de ses peurs, et puis je n'y comprenais plus rien, quand j'entends un autre gamin qui était dans notre temps qui fait, « Ça y est, il y a !» Tu n'avais pourtant pas fait exprès ou quoi? Mais par Dieu, bien sûr! Le soir avant, quand mon cousin était rentré trop tard, il avait été avec deux crelettes de son espèce faire un trou dans la glace en sillant tout autour. La nuit, ça s'était repris juste assez pour qu'un qui ne connaît pas ne voit rien. Mais mon cousin, lui, avait l'œil sur la fente. Et c'est pour ça qu'il avait emmodé cette partie de courante. Pour ça qu'il avait entraîné son régent jusque vers le trou. Et que là, il te l'avait fait tourniquer autour jusqu'à ce qu'il y passe. Quelle graine de crapule. Le régent s'en est tiré tout de même. Et bien sûr, on l'a trouvé la tête qui sortait, puis les deux bras tendus pour se tenir sur la glace. On te l'a tiré dehors, et puis ça a été comme mon cousin l'avait dit. Il en a eu pour 8 jours de congé, rapport à une bronchite. Et ils étaient tous d'accord? Du premier jusqu'au dernier. C'est même ce qui les a perdus, parce qu'il y en a qui ont causé, forcément. Ce qui fait que mon cousin a bel et bien eu 2 dimanches de retenue au collège. Bon, qu'il faisait, maintenant que le lac est dégelé. Ça n'empêche que ça n'est pas souvent que le régent est malade jusqu'à la glace est la meilleure. C'est quand même pour dire que les gamins d'aujourd'hui seraient moins couilles, ou plus capons, je ne sais pas. Mais des coups comme ça, non, non, ils y regarderaient. Ah, il est fait qu'à la vallée, ils savent ce qu'ils veulent. Oh, je vous crois. Aviez-vous connu cette histoire de douanier qu'ils avaient eu par là-haut il y a de ça 25 ans? Oh, Dieu sait. Voilà. Ben, voyons. C'en était un pareil qui avait tendance à faire son pendant. Oh, dis-nous comme ça. Mais peut-être bien que ce n'était pas plus commode qu'il ne faut. En tout cas, ils avaient eu tout fait de le bloquer. Lui, pendant ce temps-là, ne bougeait pas, faisait le mort, puis ouvrait des yeux comme ça tout le long du réseau. Plus moyen de passer la frontière avec la moindre brique de tabac ou Dieu sait quoi, ça n'était plus tenable. Il y avait surtout une race de gaillards qu'on y disait le Kratzer, rapport qu'il était tout mincelet, ce qui lui permettait de se glisser entre les mains des douaniers comme une asperge dans un banquet. Voilà, t'y pas qu'un jour, on se met à se demander ce qui lui arrivait au Kratzer. Il était transformé, il avait repris du travail dans une fabrique, et te faisait ses heures comme pas un, sans rater un lundi matin, ce qui était plutôt rare. Ce soir, il restait à la maison avec la bourgeoise, et même une belle fois, le voilà Tipa qui se rapplique à une réunion qu'ils avaient organisée pour l'émission. Tout confit qu'il était au premier rang à regarder ses projections lumineuses et ses négrillons qui passaient sur l'écran. Les gens n'en revenaient pas, quoi. Mais qu'est-ce qui te prend, Kratzer? Tu n'es pourtant pas d'âge à t'arranger. Oh non, mais que voulez-vous avec ces douaniers dressés comme ils en ont maintenant? Ça n'est plus un métier, c'est un casse-tête, ils sont trop forts pour moi. Et puis qu'il ajoutait, je ne m'en sens que mieux, allez. Et vous avez beau rire, mon avis, c'est qu'on a trop remédié de la bonne conduite. Et là aussi, c'est bon côté. En tout cas, moi, rangé je suis, rangé je reste. Tout va bien pendant quelques mois. Bien sûr, le chef douanier buvait ses trois dessus à la fête. Il va arriver le trajet. Bonsoir, bonsoir. Vous permettez, mais pas du bien sûr, surtout que maintenant vous voilà sur les voies du bien, je suis honoré de votre compagnie. Justement, chef, c'est de ça que je voulais vous causer, parce que dans tout ça, il y a quelque chose qui me chicane. Ah, et quoi? Vous êtes arrivé la commune tremble, nous on faisait notre petit commerce, vous avez ça interrompu. Bon, moi je suis bien content d'avoir changé, c'est tout fait que je ne dis rien. Mais ce qui me choque, c'est l'injustice qu'il y a. L'injustice? Car Dieu, ici ça va, mais à qui est-ce que ça profite? Ça profite à la justice, mon ami, au respect des lois, ça c'est quelque chose. Ouais, ouais, bien sûr, mes sources du brassus, hein? Croyez-vous qu'ils ne rient pas? Et pourquoi? Et parce que pardine, nous en étant sur un douanier comme vous, je ne voudrais pas vous mentir, mais il y en a tant de comme ça, c'est une justice à vous rendre. Vous voyez ça d'ici, mon douanier en train de bomber le sort. Alors, dans l'autre coin, qui sont la moitié moins surveillés, hein, et puis qui n'ont plus de concurrence. Voyez-vous, chef, quand je sais ce qui se passe entre ceux du Brassus et ceux du Bois de Nantes, oh, je me monte au fond, c'est honteux, il n'y a pas d'autre mot, honteux. Et pour nous, c'est même vexant. Tenez, si ça continue, nous, on se sent capable de reprendre les vieilles habitudes pour leur couper un peu l'herbe sous les pieds. On a de l'amour propre, que diable. Bon, oui, mais que voulez-vous que je fasse? Que je veux? Écoutez, chef, venez voir un petit soir avec trois hommes, enfin, le plus que vous pourrez en mobiliser, quoi. Et puis je vous mènerai. Enfin, mon pauvre Cavet, je n'ose guère, ce n'est pas dans mon district. Bon, vous n'aurez qu'à dire que c'était urgent. Un homme comme vous veut déjà bien se retourner, ou quoi. Et puis votre collègue de là-bas, chacun sait que vous n'êtes pas à tuer, hein, quoi. Ça fait que... On pourrait voir. Oui, mais qu'est-ce? Ben, je vous ferai signe, parce que vous comprenez, il s'agit que j'organise mon enquête. Je suis connu par là-bas, sur France. Alors, je me charge de tous vous les fourrer dans un traquenard de première. Si après ça, vous n'avez pas une prime, à moins la peur. Mais alors, motus, hein, puis tenez-vous prêt, je vous ferai signe un jour, sur les midis, et puis le soir, on y va. Trois jours après, départ. Voilà, mes gaillards, le Cravet, le chef, les trois douaniers qui s'engagent dans les forêts, côté du Bois d'Amant. Cravet les places, un ici, l'autre là, et vous, chef. Venez, venez avec le dernier. Regardez-moi ce petit. Il passe là. Ce qui fait qu'on ne les ratera pas. Et le diable me brûle si on ne ramasse pas 100 kilos de marchandises pour le moindre. Puis bon, 11h, minuit, 2h, mon cadet commence à être inquiet. Vous êtes sûr, chef, que vos hommes n'ont pas causé? Mais pensez voir, ils se seraient plutôt fait hacher menu. Oh, mais alors je ne comprends plus rien. Et ils ont attendu jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 4 heures, parce qu'à ce moment-là, le chargement qui entrait de France du côté des charbonnières avait passé depuis longtemps. Et que le Crasel n'y était pas allé de main morte, mes amis. Plusieurs barriques de vin rouge qui avaient passé d'un coup et 20 à terre. De quoi venger mes gaillards de tout leur mois d'inaction. Et le chef de poste? Oh, il n'a pas tardé à demander son transfert, parce qu'il avait beau être de bonne humeur, il trouvait que les gens riaient trop sur son passage. Oh, le fait est que ça ne doit pas être très réjouissant de te charger du respect des lois. C'est comme ça un métier ingrat, n'est-ce pas? Comme un qui s'établirait marchand d'eau minérale du côté de Saint-Saëns, il aurait vite envie de changer de métier, ou alors de région. Parce qu'avec les gendarmes, c'est du pareil qu'avec les douaniers. Il leur faut une discrétion du tonnerre pour arriver à se faire supporter. On me racontait qu'une nuit, le gendarme, dans un de ces petits villages de la vallée, à l'abeille, je crois bien, s'aperçoit qu'il y a de la lumière à la pinte. 2 heures que je dis. J'exagère quand même un peu trop. Il n'intervient pas, il va se croire tout permis. Enfin, qu'il se lance, frappe à la porte. On vient ouvrir. Il entre. Et là, naturellement, qu'ils trouvent la moitié du village pour le moins. Ceux du ski club qui étaient en train d'écraser des demi en faisant des pouces, les vieux à une autre table, et tout seul, dans un coin, le garde-police. Alors ça, c'est le bouquet. Oh, quand le gendarme s'avoue à la moutarde vivante, quand même, qu'il fait? Toi qui es garde-police, qui es chargé de faire respecter la loi, assermenté et tout, c'est une honte de donner un exemple pareil. Le rouge devrait te venir tout seul. Oh Dieu, à ce qui paraît, c'est plutôt le blanc qui te fait rester, hein? Ah, passé. Alors le garde-police lève la tête, regarde le gendarme, puis il fait... Mon pauvre ami, si tu savais la paye que je touche, tu ne tiendrais pas des raisonnements pareils. Si tu ne gagnais pas plus que moi, je t'en garantis que tu ne ferais pas tous ces ailes. Ah, peut-être bien que ça explique le cas de mon instituteur aux 150 coups ou punitions par jour. Peu payé, ben, il se vengeait sur la communauté. Ouais, il se payait sur la bête, autant dire. Est-ce que l'almanach dit qu'il était marié? Non. Non, du moins, je ne m'en souviens pas. Mais c'est plus que probable. Et encore, pas une toute douce. C'est moi qui vous le dis. Quoi tu? Alors, dès qu'ils sont comme ça, crouille, c'est rare s'ils ont bien du contentement par la maison. Et ces gaillards qui font les énergiques quand ils sont avec des plus petits qu'eux, c'est souvent signe de marque qu'ils ont trouvé leur maître et qu'à domicile, ils filent tout doux. Ah oui, oui, parce qu'au village, vous avez aussi ces hommes qui filent doux devant leurs femmes. Oh, ah, Regardez-vous, Zadek. Oh là. Le mieux, ça sera encore d'y aller voir, hein, ça nous rappellerait. Et on pourrait vous répondre la prochaine fois. Pardon, d'autant que l'heure avance. Ouais. Alors, encore un demi, hein. Après tout, ça serait presque dommage de partir sur l'avant-dernier. Non, moi j'y vais. L'heure est là, pas de nanny. Salut, Caris. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et dans 15 jours, à la même heure. Vieux à l'époque. Bien sûr que non. Et le père aux bouettes qui se présentait contre. C'était une histoire qui datait de loin, de rivalité entre ces deux. À mon avis, les torts étaient plutôt du côté aux bouettes. Toi, n'empêche que dans cette affaire d'Indéville, le Kikin avait mal agi. Bon, à ce qu'il disait le bouette, Mais moi, je te dis que c'est le Kika avait été correct et s'était tenu à la loi. La loi, c'est vite dit, mais en des cas que c'est injuste. Voyons, Régent, voilà deux hommes qui sont cousins et qui possèdent un pressoir en an de vie. Bon, au bout de deux ans, le boîte commence. Non, Kavis, non, il faut être juste, n'est-ce pas? C'est le Kika qui avait commencé. Oh, quand même, alors, quand même, qu'on puisse... Mais enfin, puisque même le juge l'a dit. Oh, le juge, oh, alors celui-là, qu'on a dû dégommer parce que... Voyons, monsieur, voyons, du calme. Vous n'allez pas vous prendre de bec pour une histoire vieille de Dieu sait combien. Oui, de 20 ans, pour le moins. Les années, il ne faut rien à la peine. D'accord, mais enfin, voyons, soyez donc raisonnable. Bon, moi je veux bien. Mais alors, ça dit qu'ils ne te font pas toujours faire des insinuations. Écoutez-vous, ce graviste-là. Qui est-ce qui en fait des insinuations, hein? Est-ce lui ou est-ce moi? Qui est-ce qui a dit que la faute était aux boîtes? J'ai dit comme je le pense. Mais d'ici, il y a des insinuations. Mais ça n'empêche que tu perds. Oh, monsieur, ne recommencez pas. Voilà. Allons, à votre bonne santé. Santé, Régent. Santé, Régent. Santé. Dans la langue. Eh bien, moi, je me rends compte, en effet, de ce qu'étaient les campagnes électorales au temps dont vous parlez. Ça devait grincer. Non, on nous en garantit que ça bourmait. On avait vécu une de ces semaines avant le vote, mes amis, parce que, naturellement, les deux candidats commençaient par tenter le terrain, qui n'était pas toujours facile, parce qu'il y en a des qui font joliment la petite bouche et puis qui vous prennent de ces airs fins que personne ne pourrait dire au juste ce qu'ils ont derrière le bout de nez. Oui. Dès que la gorge y est bas, ils se dépêchent de repincer les lèvres, puis tout est dit. Tout fait pour le remettre de bonne, mais rien de fait. Le clerc ne descendait plus, la viande avait un goût de singe prononcé, et ce Jules dépérissait. 40 000 francs qui se disent tout le temps. À ce prix-là, je crois bien que j'aurais eu meilleur de prendre femme. J'aurais au moins profité des bons moments. Avec un moment, ça dit qui fait. Écoute, Jules, faut pas faire des histoires et prendre ça au tragique. 40 000 francs qui te disent c'est possible, mais il n'est pas encore mort. Pas encore, mais si ça allait venir, hein? Il serait bien capable, allez, quand je passe à ce vilain regard qu'il a. C'est un sournois. Et puis la belle affaire. Voyons, Jules. Toi qui es libre comme l'air, tu n'as pas d'attache, tu n'as pas de femme, ni d'enfant. Si le gorille meurt, tu n'as qu'à à vendre ton train, puis tu viendras à Bâle le remplacer. Comme ça, tu seras nourri et on viendra te voir avec la commission de gestion. Mais ça s'est arrangé ou quoi? Oh ouais, la municipalité s'est fait envoyer des bulletins de santé du gorille qui a fini par se guérir. Oui, comme pour un grand personnage, quoi. Gorille, en connais-tu beaucoup de grands personnages qui vaillent dans les 40 000 francs? Oui, c'est-à-dire des qui s'en croient pour plus que ça, j'en connais. Mais dès qu'il les vole, c'est déjà une autre chanson. Eh bien, la santé des grands singes. Santé. Et conservation. Et dans 15 jours. À la même heure. Ça n'empêche que ça finira par nous faire du tort. On devrait réagir. Ah oui? Et contre quoi? Mais pardine, contre cette réputation qu'on nous fait à gauche et à droite. Est-ce qu'on a tant mauvaise réputation que ça? Mauvaise, c'est beaucoup dire, mais enfin, ils s'en trouveraient tout vite pour dire que les Vaudois s'aillent porter sous la bouche, habitent dessus la boisson, et puis Dieu sait. Crois-tu? C'est sûr et certain. Eh ben, c'est de la jalousie, ni plus ni moins. Et je vous en garantis que je suis bien placé pour le savoir, mes amis. J'étais le lundi de Pâques sur le quai de la gare de Lausanne. Voyez de voir cette kermesse. C'était grandiose. Ça pioule, ça turle, ça rebondissait dans tous les coins. Il y avait bien du monde, quoi. Ouais, et quel monde. Des gaillards luisants de figure, bossus par devant, rebondissant de la cravate, et par-dessus un de ces parfums de petits blancs que j'en perdais la soif, rien que de respirer. Mais précisément. Précisément. Laissez-moi finir, puis vous saurez que dans toute cette cohue, j'en ai pas entendu un qui parlait le français. C'était nos confédérés qui s'en retournèrent là, avec infini. Eh bien, vous savez, Il ne donnait rien tant l'impression de s'être privé, pas plus. C'est peut-être de là que vient tout le mal. Quand on voit, le lendemain, mardi, la moitié de la Suisse allemande devait avoir les cheveux hérissés, et comme tout juste, ses braves amis expliquaient à leur maman, « Tu comprends, quand on va sécher Caillon de Vaudois, on est quand même bien obligé de faire comme eux. » Ça est de là que viennent les réputations, oui, ma foi. Ben, c'est quand même mal fait qu'on se laisse déconsidérer de la sorte. Et vous pensez qu'il n'y a rien à faire? Oui, nous les Vaudois, ce qui nous perd, c'est bel et bien la bouche, mais... Mais pas de la manière qu'on croit. C'est cette manie qu'on a de se vanter. Oh, alors on ne se vante pas la moitié assez, mais t'as vu. On se vante mal, voilà ce que je dis. On devrait faire comme nos confédérés de la Suisse allemande. Quand tu vas outre Sarine, et ça va s'être distrait. Ils t'offrent de la bière, d'une châtelle, Dieu sait. Juste de quoi te laisser si l'envie. Ils n'ont peut-être que ça. Oh, comme vous les connaissez mal. Quand ils sentent qu'il n'y a pas de Vaudois dans la région, les voilà qui sortent les toutes fines gouttes. Le most. Tu dis? Le most, oui. Ils en ont de ces sortes. Ça est velouté, ça est douillé à la gorge, ça est réchauffant. Et leur vin, hein? Lesquels? Mais tu n'as qu'à regarder la carte. Tu en sens plein de vignobles parmi le lac de Bienne, par Zurich, par Chevite, dans les Grisons, à Chapouze. Seulement eux, ils ne sont pas bêtes. Ils les boivent même. Essaye seulement de demander dans n'importe quel café de chez nous un demi de Schmitz. Tu verras, Bernique, ils se regardent égoïstement et ils nous envoient leurs pommes mousseux et leurs confitures aux quatre fruits, courges non comptées. C'est ça la malice. Et puis après? Ben voilà, on devrait faire la même chose, tandis qu'on est là, qu'on leur crie sur tous les tons, venez boire notre vaudois, venez manger nos bouts de pain. Ça n'est pas étonnant s'ils finissent par se faire de nous une idée complètement fausse. Ça vous fait rigoler, raisin. Non, pas précisément, mais je crois que vous y mettez un peu de passion, parce qu'enfin... Ce Saint-Saf qui est là sur la table. Eh bien, mon Dieu, il faut avouer qu'il nous est assez familier. Bien obligé qu'on est, on n'a rien d'autre. Alors, dans le pays de Canaan qui regorgeait, comment dites-vous ça à l'école? Qui regorgeait de lait et de miel. Oui, voilà. Eh bien, je pense que ces gaillards s'en fifraient de lait et de miel à bouche que veux-tu. Monsieur le directeur me fait entrer, c'est un homme bien correct. C'est le moment qu'on s'est habitué à sa drôle de tête et à ses cornes. Mais t'as dit, l'avocat, dans mon métier, s'habitue à ça aussi. Directeur me fait donc rentrer. Bonjour, monsieur Satin. Bonjour, monsieur. Prenez place. Ça fait que l'avocat s'approche d'un fauteuil, fait le geste. Oh là, que fait le diable? Pas sur ce fauteuil? Ah non, pourquoi? Serait-il hanté? Non, mais il est déjà réservé, c'est celui du juge. Le vôtre, c'est celui-là. Et qu'est-ce que tu faisais tant par ce Vevey? On allait voir pour cette foire des vins. Ah, c'est que vous êtes dans les exposants. Malgré plus que ça que je n'y sois pas. Eh bien, voilà justement une de ces erreurs dont on cause cette foire des vins. C'est une provocation. Quand même. Mais oui. Suppose que des confédérés viennent faire un tour. Les voilà arrêtés au premier stand dès l'entrée. Ils arrivent sous forme de bons pères de famille, avec des soucis, un budget, tout. Enfin, au deuxième stand, ils sont déjà lancés, le chapeau en arrière. Les voilà mûrs pour s'émanciper. Au troisième, tu les vois qui sourient comme s'il y avait des anges peints au plafond. Ils sont là, méditatifs, le verre à la main. Ils regardent leur montre, puis tu les vois qui font, qu'ils haussent les épaules, puis les voilà partis dans l'enfilade. Et alors, où est le mal? Le mal? Et c'est justement qu'après une journée à tagnasser à travers cette halle, tu ne les empêcheras pas de croire que le canton de Vaud est une sorte de petit paradis. Essayons de leur expliquer que chez nous, la terre est aussi basse que chez eux. Tu te riras au nez. Je te dirai comme l'autre. Quel joli canton vous avez. Vous n'avez qu'à traverser un couloir et à changer de chaise pour passer direct de l'Avo à la côte. Plaignez-vous, quand on pense qu'il y a des pays où il y a des 4-5 kilomètres entre chaque café. Eh bien, moi, pas tant pis, ils se passeront bien ce qu'ils voudront. Thank you.

Le café dans le même bâtiment que l'école pour que vous arriviez à l'heure. Oh, pas inutile. Ça créerait des confusions. Et quoi de nouveau, voyons. La robuste n'a pas fait de mal dans ses coins ou quoi? Pour la vigne, c'est plutôt les mauvaises hostins qui sont à craindre. Les robustes, c'est trop tôt. Eh bien, tant mieux. Je me suis demandé quand j'ai entendu la radio annoncer que les abricotiers du Valais avaient été du mal. Pas tous, pas tous. Moi, je suis pas allé, moi, bien sûr. Il paraît que c'est seulement la petite graine qui est touchée, ouais. Et là, ça, ça reprend qui l'oxygène. Là, de le frais plus, non pas de mal, c'est le vin ciel. Oh, c'est clair. C'est que ça serait ridicule. Une de bonne. Ah, et pourquoi donc? Mais t'as vu que son garçon, en sortant un peu tard le soir, là, plus garni que pendant les plus longues journées de l'été. Faut pas toujours la plus grande que Julien, quoi. Ça n'empêche, il a venu frère, le gaillard. Et quand il est allé les bras de soi avec les violettes, il annonce une rue de poignée, là. Qu'il n'aurait même pas de vin de se baisser. Oh, ça, on s'est fermé. Il doit être bien mal propre. Écoutez, monsieur, il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi. Qu'est-ce que vous trouvez vraiment s'entendre dans les bras? Dans les 25 ponts de France, de pas de terre, dans quelques-unes. Joliment bien passé, lui. Il a ce charme tout près du radio, hein. Tenez, là. On se brillerait en moi. Ah, votre fils est fiancé. Voilà, c'est-à-dire qu'il fréquente. Et puis, mon cabliste, as-tu reçu un père fort ou quoi? Ça doit avoir dans la nuit comme les mains tout ce qui passe dans l'homme. Est-ce que ça se raconte le genre, quoi? Une crise, une étoile. Ben, on ne peut pas venir faire ta sucré. Moi? On n'est pas dit mon âme qui vive. Pourquoi non? Mais il y en a pas d'autre. L'autre fois, déjà. Je vois mon syndic qui prend un promeneur dans sa maman. Les petits pas qui faisaient la boussole avec la sautibilinose, avec des airs de faire ron-ron. Tout juste s'il ne la tenait pas par le ron. Alors me dit, qu'est-ce qu'ils ont, ces deux-là, raison, le cortège? Est-ce qu'ils auraient convenu d'aller vivre en ville et qu'ils s'habitueraient pour le dimanche après-midi? Enfin, je me fais chaque âge un plaisir. Et ça a l'air grave après tout. Grave, ça a l'air grave. Mais tout de même, sans lui penser, je l'ai fait de l'œil. Ils ont dit que par la rédition, en sortant du village, ils passent derrière ce temps, ouais. Et les voilà qui s'arrêtent. Et puis regarde. Je regarde. Et regarde que je te regarde, tardive. Il y a déjà portant de distraction. Et voilà mon syndic qui se met à faire des gestes, avec le bras droit, comme s'il montrait des terres, des chemins. Diable, que je me fais. Est-ce qu'il y aura une expropriation en route et que le syndic consulte la maman avant d'aller voir une espèce? Pendant que je demande au Julet. Au Julet? Oui, parce qu'il était placé devant des vignes au Julet. Bon, il repart. Mais voilà qu'il arrive en haut, le replat. Et qu'il se rarrête. Cette fois, c'était face à ce grand champ que Julet a semé en promenant. Encore le Julet que je me fais. Mais ce qu'il y a du diable par là. Tu aurais dû nous demander pendant que tu y étais. C'est pas plus parce qu'après vous, vous avez disparu derrière le mamelon. Moi, je rentre, puis forcément, je cause à la femme. Qu'est-ce que le syndic et sa femme peuvent bien fourrager avec le gilet que j'ai dit? C'est ce que nous devons savoir, ce qu'elle me répond. Mais puisque c'est ton garde, tu ferais mieux de t'occuper de ton ouvrage plutôt que de rester pas ton soleil et piller le monde. Elle cause bien ta femme. Hey, c'est un jour que ça souffle de bise. C'est prêtre, ces petits souffles d'avril. Bon, moi, je me le tiens pour dire. Ce sera la soupe, elle me fait. C'était bien le Julien que tu me disais. Pourquoi le Julien? Oui, un pauvre syndic. Hein, moi qui croyais bien que ça ne t'intéressait pas. Bien sûr que non, ça ne m'intéressait pas, mais du moment que tu me fais la cible avec cette affaire. Et alors, Julien? Ça te voit quand vous étiez garçon, arrête. Vous ne pouvez pas savoir. Quand on est marié, voyez-vous, une conversation qui lui fait mal à morder, il ne faut pas la brusquer. Il faut laisser venir tout à la douce. Car le mot propre s'y met, c'est délicat. Allez, voyez ces deux vipères, sans les gravillés l'un et l'autre. Mais ça est bien comme un cabin, la tête sur le pigeon. Il n'aurait pas avoué que ça les intéressait. Comment tu sais, Duc, c'est comme ça, quoi qu'il en soit, le lendemain de matin, ma femme me fait. Je lui demande à la Juliette que j'ai rencontrée par hasard. Elle ne sait rien. De quoi? Un pour Julien, ça le dit. Voilà. Et pour tout ce qu'il me rajoute, s'il y avait la moindre des choses, elle saurait déjà cette serpe-là. Et il n'y a rien d'autre à faire qu'à se mêler des autres. Bon, Kavi, tu as bien souffert, hein. Mais en fait, tout ça ne me dit pas comment ça fait surtout par hasard. L'autre fois, ma femme rentre. Elle avait été faire des commissions. Tout de suite, je la vois qu'il y avait quelque chose à lui abandonner. Seulement, je ne dis rien. L'attaque est battue dans cette stratégie. Tout le long de toute l'année, elle me regarde avec des airs d'une qui voudrait bien qu'on la force un peu. Voilà, je m'en vais tout gentiment, enfin tout. Sauf que pour la mettre de bourne, j'ai fait un compliment sur la soupe. Ça fait qu'elle a été bien forcée de lâcher le morceau. C'est une somme qu'elle me fait brusquement, ça se croit mal. Hein. Et ça ne va pas plus loin que le port de sauveur. Mais quoi que je réponds, par rapport au gilet qu'elle a fait, le syndic, mais il n'a rien à voir là-dedans. Hein? Moi non, je me serais trompé. Vous voyez, mais qu'elle rajoute, c'est son garçon et la fille au gilet, ils se tarassent après qu'il faut être une homme pour ne pas s'en apercevoir, ça crève les yeux. Et le syndic, pingre comme on le connaît. Détends, tu es le mon ami. Pingre comme on le connaît, il est déjà en train de tomber les biens de sa poule. Comme elle est fille unique, ce n'est pas bien difficile. Parce qu'elle a le nez creux, ta femme. Parce que pour dire, on les voit pas souvent ensemble, mon garçon, elle en a vu Mais du moment que ma femme est bien agréable, il aura suffi que ton garçon bite un peu de l'œil en passant dans la cortine au gilet pour que ma femme l'ait tout compris. Là, il a fait une fois. Écoute, le loup, il te faut choisir. Je suis bien sûr que la guerre dure assez longtemps. Lâche cette campagne et tâche moyen d'apprendre général. Masha, merci. Il sent des masses à guetter cette sorte de place. Tandis qu'à la maison, tu as une terre à toi qui n'attend que tes bras. Seulement l'inconvénient, c'est qu'il te faudra aller à pied et puis que je n'ai jamais vu des salopettes avec des galons. Et puis, brusquement, ça y est passé, cette manule de service. En novembre dernier, quand il a dû partir, il était tout moindre. Il avait l'ennui du village, ce qu'il disait. Du village, que ne percevra bien. Il y a du jus pour là-dessous. Et ça s'est bien, bien confirmé quand la maman, une fois qu'il était en permission et qu'il poussait sa tunique, trouve dans une poche du papier à lettres dans les violets, avec des enveloppes doublées en papier de soie. Ça, c'est un signe. Là, oui. C'est un signe de marque. Nous, on a commencé à ouvrir l'œil. Parce qu'avec ces gardiens, on ne sait jamais. Voyez-vous qu'il se ramènera toujours avec une de ces impossibles, de ces stars, comme on en voit dans l'illustré. Et on leur fait un baudruche et la binette peinte à la boya à sulfate. Vous êtes plus raisonnable que ça. Certain. Il n'y a pas tant longtemps qu'il s'est mis à regarder les filles. La maman est un oncle. Oh, les femmes, ça c'est pour un lieu. Et surtout quand il s'agit de sa loulou. Que de penser qu'une pas grand-chose pourrait lui accaparer son loulou, mais elle en perd de l'occurrence. Oh, quand même. Oui, enfin, des mouvements, oui. Quand je n'étais pas là. Ah, moi, j'ai vu le fait de me rassurer, là. Parce que je n'ai pas tardé à me percevoir que la fille au gilet me faisait les yeux doux. Bonjour, monsieur le syndic. Joli temps, monsieur le syndic. Vous pensez bien que toutes ces grimaces n'étaient pas pour mes charmes personnels. Mais Philippe a 23 ans, et mignonne par surcroît, n'en sent pas gaspiller leur sourire pour être bien vue des autorités. Ben, ne t'inquiète que j'ai fait ma femme. C'est à la fille au Julien qu'il en a, le loulou. Et autant que je peux y voir, ça a joliment mordu de son côté à elle. À chaque congé, ça se précise. Oh, ça n'est pas bien mal à voir, allez. Parce que là, tout homme qu'on est, en avoir fait ses écoles, communier tout, la nature reprend les signes sur les mêmes. Qui connaît les bêtes, connaît les hommes, hein. Dès que le premier sol est éclairé, que les grenouillettes ont commencé à courir sur les murs, voilà mon loulou tout seul. La fille au gilet, quand elle passait devant la maison en allant au magasin, pire qu'une chatte qu'elle se tortillait, avec de ses mouvements savants pour mettre les surfaces en valeur, elle aurait recoulé en dedans que ça ne m'aurait encore pas étonné. Et voyez les chattes, hein, quand elles se sentent que les petits vont venir, est-ce qu'elles ne commencent pas à s'arracher des poignées de poils sous le ventre pour se faire un nid? Eh bien, chez le loulou, c'est le du même, sauf que pour faire ça en mille, il faut de l'argent au papa. Que ce loulou redoublait de prévenant. Ah, il n'a jamais été tant gracieux. Ça va mieux qu'au premier printemps, tout était prêt, ça qu'on en est parlé. On savait où il ferait leur chambre à coucher, on avait entendu parler de l'armoire à glace. J'avais déjà fait mes comptes à 100 francs près. Et forcément que ton bonnet de gamin se croyait que tu n'avais rien vu. Mais alors, il te faisait de ses crochets pour sortir le soir. Il s'inventait des raisons. Moins on lui demandait, plus il en avait à fournir. Et c'est maintenant officiel? Oh, officiel sans lettre, oui. C'est mûr, quoi. La femme au gilet m'a offert l'autre jour des bracelets, oh. En passant, histoire dégoûtée, ouais. Ça ne m'étonnerait pas que le loulou m'amène triomphalement sa Marguerite un petit prochain dimanche pour les présentations. Ça fera une surprise. Oui, ma foi. Il se mariera en automne. Et l'an prochain, comme aujourd'hui, le loulou se sera déjà aperçu qu'il y a des moments dans la vie où même la fille au gilet ne sourit pas de toute la figure. Ah, ça va être une drôle d'histoire que de préparer un repas de noces cet automne. Eh oui, ça sera compliqué. Ah, il est vrai qu'en cherchant bien... Ouais, il y a toujours moyen de moyenner. Vous pourrez manger un de ces saucissons comme cette municipalité des temps derniers. Quelle municipalité? Et qu'un saucisson. Un saucisson, quoi? Un et un de Levanne qui m'a ça raconté. Paraît que ça se passait content, là, du côté de Genève. La municipalité avait prévu une petite séance un mercredi soir. Il fêtait Dieu sait quoi, un anniversaire... Oui, on n'est pas tant douillet quand il s'agit de trouver un prêtre. Juste. Le syndic avait dit aux charcutiers, c'est un coin de vignoble où ils n'ont pas de cochon, te faudra nous arranger un saucisson dans la pâte. On ne va pas changer de jour de séance pour une histoire de jour sans viande. Avec à nous consulter à Berne avant de choisir le mercredi. Ah, ça c'est fameux, un saucisson dans la pâte. Eh diable, mais dans une bonne pâte bien blanche et bien fraîche. Bref, ça fait que le charcutier leur a dit que oui. Le soir, en ouvrant la séance, le syndicat arrive avec son paquet sous le bras. Ils tiennent la séance pour la forme, t'expédie deux, trois décisions, histoire de meubler un procès verbal, et puis les voilà à table au cabotet. Ça indique pire son boîtier. Commence à te couper ce saucisson dans la pâte. La pâte va bien, elle est fraîche, elle feuilletée, elle crissait au couteau que mes gaillards en avaient des larmes aux yeux. Mais c'est qu'arrivait à l'endroit du saucisson, rien de fait. Ça dit que dur comme du bois que c'était, t'écrases d'une charcuterie. Ce serait-il un saucisson à l'os que faisait le syndic? Te pas envoyer ton couteau militaire à la meule fédérale qui se l'aiguise un peu, que répondaient les autres, non? Dépilés, voilà qui doivent bel et bien enlever la pâte et aller voir ce qui se passait à l'intérieur. Et c'était quoi? En guise de saucisson, il y avait un paquet. Oh! Plutôt un étui à lunettes. Un étui à lunettes? Comme je vous le dis. J'ouvre l'étui à lunettes et vous vous imaginerez bien que ces pauvres gens faisaient peine à voir. On leur avait lancé une osse de boulis pour les nourrir un peu. Ils ouvrent donc. Elle trouve une paire de vieilles lunettes entourées d'un rouleau de papier. Un rouleau de papier? C'était ni plus ni moins les ordonnances fédérales et cantonales interdisant aux charcutiers de livrer de la viande sans coupon celle sous les eaux fermières de tous les tremblements. Et ce caillard de gaillard avait souligné en rouge le passage où s'est mis que les autorités communales sont chargées de l'exécution. La leçon était bonne. Ouais, ouais, le sang, c'est encore à voir. Si les contribuables se mettent à donner des leçons aux autorités, alors où va-t-on? Du moment que les autorités ne respectent pas la loi... Ouais, mais il faut pas mélanger les choses. Qu'est-ce qu'ils en savaient, ce charcutier, si la municipalité n'avait pas demandé une permission à Berge? Alors? Et puis, la loi, c'est bien joli. Un bon citoyen commence par respecter les autorités. Moi, je ne sors pas de là. Ne te passe pas, syndic. Si tu nous procures un bon saucisson dans la pâte pour ce soir, on te respecte, c'est entendu. Ah, puis d'ici là, donne voir. Oui, dites, monsieur le syndic, une pour votre fils. Oui, une qui est du sentiment. Patience. Allons. Quand nous saluons toutes, au fond les amoureux, perdus sous la remée, ton bras, ma bien-aimée, tremble ta mésave. À la santé des futurs époux, du futur grand-père. Conservation. Ah, vous voilà content, hein? Une belle fille bien choisie, un fils qui a de la conduite. Plus que le père, pardon. Et t'es bien te taire, toi. Ouais, je sais qu'à l'âge de ton garçon, je peux encore dire. Toi, quand tu avais 25 ans, tu promettais. Ça nous avait dit que tu serais un jour convoqué à l'office contre l'alcoolisme. On ne l'aurait pas cru. Comment vous avez été convoqué? Ouais. Le 1er avril. Ah, bon, je comprends mieux. Comment, Réjean? Vous n'avez pas entendu parler de cette farce? Mais il me semble avoir entendu parler de ça dans les journaux. Et les mots me sortaient à l'avance. Et voilà qu'on répond. Ici, l'asile de Cerise. Oh! Ils avaient donné le téléphone de l'asile cantonal d'aliénés. Alors ça non, ça ne se passera pas comme ça. J'interpelle que je me pensais. T'as entendu une voix qui me dit, c'est pour la convocation. Oui, monsieur, que je fais. Et vous allez beau rire sous cap, ça n'est pas encore un morveux de votre sorte qui va me donner des leçons. Parce qu'il riait, le gagnant. Au compte de juste, il s'est tout fait. Puis on attendait deux ou trois qui riaient derrière le téléphone. C'est une farce qui me répond. Vous êtes le 20e qui téléphonait ce matin. Une farce? Et de qui? Si on le savait, on porterait plainte, mais allez savoir. Voyez-vous, c'est à cause de cette poison de Louise. Elle s'est tant énervée que ça m'a pris aussi. Parce qu'après, je me suis dit que je n'aurais jamais dû me laisser prendre. C'était plein d'indices. Puisque même il y avait un timbre sur l'enveloppe. Mais l'État nous aurait écrit officiel, vous pensez bien. Enfin, le fait est que je n'ai réfléchi qu'après. Heureusement encore, je n'ai pas dit mon nom au téléphone. Mais avez-vous des nouvelles d'autre côté? Oui, vaguement, mais rien de précis. Moi, oui. On m'en a raconté avant hier, dans Lausanne. Oh, mes amis, ça n'a pas été une farce, ça a été une ruée. Dans une gare, pas loin d'ici, se sont trouvés 5 sous le quai pour le train de 8h30. Est-ce qu'il y a session du Grand Conseil qu'a fait le chef de gare? Mes gaillards avaient l'air gênés, mais de se trouver tout cela, ça leur a mis la puce à l'oreille, ils se sont expliqués. Le train arrivait comme ils venaient de trouver le pain mot de l'histoire. Et le pire, c'est que juste à ce moment, il voyait arriver le préfet du district qui courait pour ne pas manquer son train. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se sont présentés? Une bonne poignée, il paraît. Sans compter les téléphones en cerise. Il y en avait qui se penchaient, d'autres qui demandaient des explications. Et même un qui suppliait, oui. Ils disaient en pleurnichant, on n'est pas des sous-longs. Bien sûr qu'on exagère rien de temps en temps. Quand occasion il y a, mais quand même, il vous faut me laisser ça comme ça cette fois. Puis je vous promets que je le ferai attention. Parce que si ma femme venait à savoir, ce serait plus tenable. Oui. Alors, ceux qui s'adressent directement aux conseillers d'État, et même ces conseillers nationaux, qui ont ça reçu à Berne, en pleine séance, qu'on les prenait pour des huissiers, rien qu'à les voir devenir verts de rage. C'est une manœuvre électorale que criait à tout le monde politique y a passé. Ah oui, le politique et l'autre. On m'a dit qu'un peintier de Lausanne, ça reçoit le matin. Il avait justement eu banquet le soir d'avant, ce qui fait qu'il avait pris une bonne avance sur la soie. Ça fait que le matin, avant de monter à cet office, le gaillard n'a-t-il pas vu trois grandes tasses de lait? Il se pensait qu'on allait lui analyser le sang. Oh, on lui aurait pressé le nez qu'il en serait sorti du vacherin. Comme ça qu'il se disait, bien malin s'il retrouve une goutte d'alcool dans cette flaque. Et un autre qui a commencé par rocher sa femme pour se faire la main. C'est toi qui m'as dénoncé, qui criait, que tout le quartier les entendait. Heureusement que tout le monde n'a pas marché. On aurait dû faire des trains spéciaux. On aurait fait une session extraordinaire du Grand Conseil. C'était pas l'embarras. Sûrement qu'il y aurait eu le quorum. C'est le cas de dire qui s'en prend sans temps. Faut croire quand même que tout un chacun n'a pas la conscience bien tranquille dans ce canton. Oh, c'est que du train dont ça va avec ses lois, ses sciences, on sait jamais. N'est-ce pas un docteur qui disait une fois, tout homme qui a bu une goutte d'alcool est un alcoolique. Alors, hein, on en a tellement vu qu'on ne s'étonne plus. Et puis on est dressé maintenant. On se laisserait traiter de sous l'or pleine figure, sans même songer à réagir, pauvre. Ça n'empêche que je voudrais bien connaître le gnolu qui a pu vous plonger ce canton dans l'angoisse. Oh, un fumiste. Oui, une victime qui aura été lui-même convoqué à cette commission pour de solides raisons, puis qui se sera vengé de la sorte, mes amis. Ah ben, c'est une bonne farce. Bonne, c'est tout cela. Parce que ces choses-là, ça laisse des traces. Je vois chez moi, avec la maman, elle a gardé comme ça une idée. Le beau dire que c'est une farce, elle me répond. Ça n'empêche que tu as eu une rude peur. Si tu étais un peu moins porté sur la bouche, ça ne t'aurait pas fait autant d'effet, hein. Ouais, des choses comme ça, ça laisse de la méfiance. Ah, ça me rappelle une excellente qu'il avait faite à Lausanne il y a une bonne vingtaine d'années. C'était déjà les autorités qui avaient été les victimes. Le conseil d'État, la municipalité, le préfet et quelques autres notables avaient reçu une magnifique invitation pour une réception au Beau Rivage. Ça venait soi-disant de la légation de Turquie à Berne. Et il était mis que le préfet d'Angora, on disait encore Angora, c'est dire que ce n'est pas d'hier, faisait une tournée en Suisse. Il serait heureux de rencontrer les autorités pour se documenter sur les institutions politiques. Et ils avaient marché ? Vous voulez dire qu'ils s'étaient rués ? Les garçons du Beau Rivage ont vu arriver le préfet, le syndic de Lausanne, une pincée de conseillers d'État, enfin tout le monde est là. Sauf le préfet d'Angora. Mais il y avait un paquet à l'adresse de ces messieurs, et l'ayant ouvert, le personnel de l'hôtel a découvert un magnifique lapin. un lapin Angora, parlez-vous. Comme de juste. Oh, c'est quand même des jolis affaires. Après tout, un moment de vergogne vite passé, comme on dit souvent. Et à votre santé. Ah, conservation. À votre bonne santé, messieurs. Et dans 15 jours, à la demeure. Il fait bon, ça sort. Ah, surtout ce soir. C'est des journées fatigantes, tout de même. Oh là oui, et puis c'est comme disaient les vieux, on est toujours mieux assis que debout et mieux couché qu'assis. Ils ajoutaient même, mieux mort que vivant. Ouais, oh, mais ça c'est des raisons d'hypocrite. Vous trouvez pas? C'est tout suivant. Ouais, mais quand même. Je me disais justement, pendant qu'on soyons mais dans cette foire des vins à Vevey, on nous aurait donné à viser le jour de notre message qu'on n'aurait pas pu tomber plus juste. Parce qu'il faut bien l'avouer, on a atterri sur un endroit qui est ma foi joliment propre, puis agréable à habiter, un climat doux, un joli ciel, de quoi se passer la soif en cas de besoin, et même la faim. Ah, et puis de ces jolies petites femmes qui se royaument dans tous les coins. Ah, je voudrais bien voir ça. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Eh bien voilà, je prends une assiette à soupe, une profonde, tant que possible. Je l'enduis de colle-forte sur tout le dos. Ouais. J'y répands le poil d'un lapin en égalisant bien que ça fasse un joli feutre bien régulier. Et puis ça me donne la forme. Ah, oui. C'est bien ça, oui. Mais et la garniture? Oh, c'est la moindre des choses. J'envoie la Mélanie au Galtar, remuée dans les vieilles caisses où elle a mis les souvenirs de la grand-maman, les vieilles pâtes, puis Dieu sait. Elle me rapporte tout ça, tout ce qu'elle peut trouver, comme grappes de raisin, bouquets de fleurs et autres falbalas. Vous vous souvenez bien comme elles emportaient vers les années 9, 10. Ouais, oh là, oui. Plus elle la rapporte, mieux ça vaut. On peut s'assurer que sur le dos de l'assiette, on en part même un peu sur le rebord, du bon côté, en cas de manque, un brin de persil par-ci par-là pour faire frais. La plus grosse plume du coq par-dessus, en plein milieu, braquée contre l'un et rare des petits. Demain soir, je l'amène à Vevey, coiffée de la sorte, et à moi la peur, si les femmes de là-bas ne lui envoient pas une délégation pour y demander dans quel magasin elle se sert. Ah, il y a bien quelque chose à dire. Quelque chose à dire, mais c'est comme ça. Et c'est bien la preuve que ces pauvres dames en sont au dernier cran. Elles vivent de leurs amants de cuisine et les galetas pour se faire leur dernier bébé. Mais... C'est triste quand même. Et dites-moi, Régin, ça me fait penser à cette histoire que vous aviez commencé juste à propos de robes trop courtes. Quoi? Et quand ça? Oui, on sortait du Star au Grand Georges. Puis juste comme vous étiez en train de vous embrayer dans votre histoire, voilà quoi raconte le gros Pégru. Mais quand on a rencontré le Pégru, on ne sortait pas de chez le Grand Georges. On avait été à celui du Biolay. Mais non, Caviste, mais non, tu confonds tout. Mais absolument pas. Ah, voyons, on avait donc commencé par le stand de la camp coopérative. Oui. Là, on a bu une bouteille de politesse. Ensuite, on a été chez le Grand Georges. Mais non, chez le Biolay. Mais tu embrouilles, chez le Grand Georges. On y a été après avoir eu passé au stand à Pointet. Que même on y est arrivé avec le trognier qu'on avait trouvé chez Octave. En sortant de chez Octave, on a pourtant bien été boire un verre d'une autre pour se défatiguer. Ouais, bien sûr. Puis on est revenu en ça, par chez le concurrent. À cet appel, si on a pris deux bouteilles entre trois, c'est même à cause de ça, on a dû y revenir, après qu'on ait eu fait la tournée par la vinicole, etc. Mais ça n'empêche que quand on a rencontré le Pégru, on sortait bien et bien de ses violets, pas vrai, Jean? La foi. Et lequel est ce Pégru? Oh, vous vous rappelez bien, ce gros qui s'est doublé les joues avait de la peine pour que l'oreiller n'y passe pas mal. Je vous ai raconté, Jeff, qu'il aime tellement dormir qu'il a mis des pneus ballons à sa brouette à fumier pour pas que son domestique le réveille le matin en faisant l'écurie. Oui, je vois. Eh bien, moi, il me semble bien que c'était chez le Biolay. Oui, vous avez raison. Oh, mais t'écrases, mais bien sûr que je suis bête. Mon erreur, ça vient de ce qu'on y est aussi allé deux fois. C'est le moment que ça te revienne. Moi, j'admire que vous vous retrouviez de façon si précise dans vos itinéraires. J'avoue que je m'y perds un peu. Mais vous avez tort. Vous êtes comme ceux qui ne se souviennent que du mal. Regarde à la maison. Quand ma femme s'armance, elle me rappelle toutes mes peccadilles de 19 ans de mariage, sans en embrouiller une avec les dates et les heures de rentrée. Ça serait bien le pire si nous, on ne se rappelait pas des bons moments. Oui, mais enfin, on en était avec ces histoires de chapeaux et de jupes. Là, moi, ça me met l'eau à la bouche. Hein. Parce que je me dis que ça n'est pas juste. Pourquoi est-ce que nous, les hommes, on ne se mettait-il pas des frusques un peu plus régalantes que celles qu'on a d'ordinaire? Comme les femmes? Ordine. Oh, la semaine pour travailler à la vigne, je veux bien que ces petites jupettes nous gêneraient un point. Oh, on aurait qu'à se les nouer sur le croupion. Ouais, mais alors on serait obligé de travailler perché contre en bas de la pince. Sans ça serait mauvaise façon. Qu'on n'oserait plus promener les courses d'école sur la ligne du Saint-Plon, tant les gamins se pencheraient aux fenêtres. Il y était deux ou trois qui pleuraient leur misère, que tous leurs sous avaient été ratiboisés, et Dieu sait. Alors le vieux crasse, vous le voyez bien ou quoi? Ah, pas moi, non. Mais oui, un petit vieux biclon avec un nez vermillon posé tout de traviole dans une de ces binettes qu'on se tient en réserve dans la région pour le char de Bacchus de la fête des vignerons. On dirait qu'il a mis le nez à la fenêtre un jour de Grand Jorin et que le volet le lui a rabattu sur la joue. Oui, et que ça lui aurait laissé des engelures incurables. Ça fait qu'un jour, un qui voulait le chiner, il fait « Non, père Katz, pourquoi est-ce que votre nez est tellement de bisingue, hein? Ça serait-il que ça qui vous empêcherait de marcher droit des soirs qu'il y a? Voilà, que répond le vieux, ce n'est pas mon nez qui est de côté, c'est l'argent que j'y ai mis. » Tel que vous le voyez, Il vaut déjà dans les 50 000 francs. Et bon an, mal an, il se bonne de 3-4 billets. Voyez-vous qu'il avait conclu avec son petit air tranquille. Quand on a de la chance d'avoir un peu d'argent devant soi, il faut se le tenir sous les yeux. Sans ça, entre le receveur et les banquiers, ils ont vite fait de vous le changer contre des jolis souvenirs. Eh bien, monsieur, je crois que c'est heureux que nous n'allions pas à cette foire des vins tous les jours. Nous finirions par devenir un peu bavards. Oh, quand ça serait. Oui, surtout si on se décidait à s'habiller en femme, dites voir. Forcément que tout irait ensemble et que son temps se transformerait tout vite en ces sortes de vieilles tracles qui économisent sur le travail de peur de s'en aller avant d'avoir tout dit. Oui, de celles qui ont la langue pendue par le milieu, qu'elles tapent des deux bois la fois. Oui, oui, oui. Ah, nous n'aurions pas tellement de chemin à faire. Avouons-le. Ben moi, avec cette foire des vins, ce n'est pas tant ça qui me fait peur. C'est le syndic qui m'inquiète chaque fois qu'il y va. Et quoi, le syndic? Oh, je sais bien que toutes les opinions sont respectables, seulement... Si tu allais en changer tout d'un coup, eh ben, ça embarrasserait bien le village. Et pourquoi est-ce que j'en changerais? Eh, moi, je me suis laissé dire que cette foire, c'est une avance pour changer les radicaux en agrariens. Ouais, ouais, ben, il ne faut pas mettre de la politique partout. Oui, mais il ne faut pas non plus fermer les yeux à l'évidence. C'est du reste de Vevey qui me le faisait remarquer. Tous ces gaillards qui viennent à cette foire, qui me faisaient, vous allez les voir changer sans qu'ils en aperçoivent. Ils entrent tout verts. Ils en sortent, ils seront bien en avant violet. Oh là là là, si ce n'est que ça va bien. Oh, tu te souviens, Zadik, de cette assermentation. Ah, mes amis, pour vous dire qu'ils étaient sept. Pas un de plus, pas un de moins. Il y a donc le caviste qui avait mis son képi de lance-tourmien puis sa tunique d'artilleur avec un bon pied de ficelle pour faire joindre le ceinturon. Oui, cause pas tant de mon ceinturon, que j'étais encore parmi les moins arrondis, à côté du gros tondia. Oh, alors le tondia, vous le connaissez, hein? Ouais, ouais. Ils ne veulent plus dans le train pour traverser le viaduc de Grandvaux rapport à la limite de charge. Mais regarde, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce band? Eh ben, il y a le garçon au tondia, ouais. Oui, il ne fait pas de service parce que quand il était tout petit, il a eu les ourles, ouais. Et depuis ce jour, sa maman a toujours cru qu'il était mourant. Sauf que le voilà recruté pour la garde. Depuis que dans le Rhin, il se place à côté de son papa, tout juste s'il n'y donnait pas la main. C'est ça qui a tout gâté. Pardon, parce que vous voyez, ça reste. Le préfet arrive avec son écharpe, moi je mets mes hommes au garde à vous. Alignement. Garde à vous fixe. Au revoir, mais le mouvement était impeccable. Mais le résultat, fallait voir. Un feston. Oui, oui, on aurait dit du fil de fer barbelé avec des pointes rien arrondies. Surtout que le fils au tondia, qui est sec comme un champ de clous et jaune autant que son père érodisait, te labourait les côtes de son père. En arrière, papa, t'es pas aligné. Oh, qu'il a répondu, avec cet obscurcissement qu'il y a. Elle ne veut même pas seulement s'en apercevoir. Eh bien, hier au soir, je le vois qui tardait dans sa chambre avant de sortir. Je lance un coup d'œil, machinalement. Il était bel et bien en train de se nettoyer les ongles avec un grand couteau de cuisine. Et ce matin, on fait pain-vin pour les 10 heures. J'étais à côté de lui et je dis à la petite qui était venue apporter le panier. Mais c'est qui? C'est un drôle de goût, ce fromage. On dirait qu'ils l'ont mélangé avec des drops. Je vois la gamine qui rigolait en dessous. C'est pas le fromage qu'elle me fait. C'est pourtant pas le vin ou quoi? Non, c'est le domestique. Il a tellement l'habitude des 3 décis qu'il a cru que pour l'eau de Cologne, c'était les mêmes mesures. Alors j'ai regardé mon gaillard qui devenait rouge comme une tomate. C'est pourtant vrai qu'il empestait à 2 mètres. Que toute la matinée, je l'ai vu qu'il se bataillait avec les abeilles qui lui rôdaient autour. Ah, oh, pense te voir. Elle le prenait pour un buisson de roses pompons. Ah, mais si ça n'était que le domestique, ça serait rien. Seulement, à midi que j'arrive pour dîner, rien de prêt. Attends une minute que me fait ma femme. Je sais pas ce que j'ai eu ce matin, je n'avais rien d'avance, le dîner va être prêt tout de suite. Et la voilà qui disparaît comme elle était venue. Au bout d'un moment, moi, je m'inquiète quand même. Je vais à la chambre et je te les trouve les deux, la femme et la gamine, avec des piles de linge, d'étoffes et de tout au monde sur la table. Elles avaient vidé tous les buffets. Et la petite y disait, regardez donc, vous n'avez qu'à faire une fronce par là, ramener un peu sous les manches, puis ça sera tout à fait à la mode. Eh bien, bravo, ça met de la bonne humeur. Ah Dieu, oui, c'est ma foi, bon qu'on ait de temps en temps l'occasion de se frotter les uns aux autres, ceux de la ville, ceux de la campagne. On apprend à se connaître mieux qu'avec les discours. Surtout maintenant que le rapprochement est à la mode. Quel rapprochement? Mais tous, Pardine, à tel point que je me demande si on ne va pas un peu fort. J'y suis l'autre jour dans la Suisse de Genève. Mais tenez, où est-ce? Ah, là, voyez-vous? J'ai apporté la coupure pour vous la montrer. Ne croyez-vous pas que vous êtes en train de brûler les étapes? Alors, on lit dans le Basler Nachrichten. On t'écrase d'un nom. N'étonne pas que ces gaillards parlent une si drôle de langue si on les habitue depuis tout jeune à dire des mots comme ça. Quoi? Ben, ils s'en foutent. Écoutez-moi ça. On lit dans les bases de Nachrichten, organe officiel du parti radical vaudois. Quand même, alors. Mais c'est pourtant bien ce qui est marqué. Vous n'en étiez pas vanté, celle-là. Ouais. N'empêche que c'est les Genevois qui les avaient attirés. Venez nous protéger contre ces Savoyards qui leur avaient fait. Et comme récompense, eh bien, on vous donne le canton de Vaud. C'est vrai, ça? Enfin, grosso modo, oui. Poison. Et tu crois qu'ils remoudraient la Nièvre avec les Ballois? Ben, je crois, j'en sais rien. Mais enfin, je pourrais bien que ces journalistes aient vendu la mèche. Ou un complot de plus ou de moins, on n'en est pas à ça près par les temps qui courent. Pour moi, vous dramatisez. C'est ou bien une erreur, bon, ou bien... Bon, que des Genevois se trompent comme ça, ça m'étonnerait. Ou alors c'est une tentative de rapprochement. Il faut être large d'esprit, que diable. Mais d'accord, mais quand même. Pour ce qui est du rapprochement, je dis qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher un journal au fond de la Suisse allemande. Ouah, les nôtres font déjà plus que le possible. En quel sens? Passe-moi voir la chronique de Lavaux, là, qui est perdue derrière toi. Là, ouais. Voyons, c'est dans un des derniers numéros. Ah ouais, voilà. Chez Albert Pinget, un beau verra est à la disposition du public. Ah ben, respect. Au moins comme ça, on sait à quoi s'en tenir. Chaque homme a dans son cœur un cochon qui sommeille, comme disait l'autre. Parfaitement, péché avoué est à moitié pardonné. Alors, on est comme on est. Pourquoi est-ce qu'on dirait se gêner? Il y en a tellement qui se vantent de pire que ça. Bon, surtout qu'après tout, le croisement ne serait pas si mauvais. On a bien médit des cochons, mais peut-être bien que si on entendait ce qu'ils se racontent le soir après avoir curé leur rose, on deviendrait peut-être moins fierreux. Eh bien, vous voyez, malgré tout, le monde est plein d'indices encourageants. On a tort de voir les choses en noir. Pour peu que tous ces essais aboutissent, la vie dans 50 ans sera magnifique. Le ciel vous attendra, Jean. Et à votre santé. Ah, conservation. À votre bonne santé, messieurs. Et dans 15 jours, à la demeure. Question de volonté. Eh, par Dieu, bien sûr. Mais voyez-vous, Réjean, la volonté, c'est un peu comme toutes les bonnes choses. Il ne faut pas en abuser. Voilà. Parce que sans ça, on s'en dégoûte. Et puis, c'est pire qu'avant. Tout juste. Il faut s'employer qu'à bon escient. Et puis, enfin, le fait est là. Le tiolu avait trouvé à acheter une bossette de piquette par Vermont, je crois bien. Ça fait qu'il l'a envoyé chercher. Comme son aîné est au service, il a envoyé le jeune de ses garçons, le Rick, qui va sur ses 15. Ça fait que vous pensez si ce gamin bombait le torse en descendant tout seul avec le châle et deux chevaux. Il te claque du fouet que ça résonnait jusque de l'autre côté du tunnel. Le malheur, c'est qu'il faisait encore assez soif. Et comment jeunesse dit, puisque je suis assez grand pour mener le char, je peux aussi aller boire un verre comme une grande personne. Ah, Dieu. Mais voilà qui fait 3 décès. Et qui refait? Par Dieu, surtout qu'il était servi par une petite qui trouvait ma foi bien à son goût. Et il faisait de l'œil, d'abord gentiment, et puis un peu plus appuyé, en y prenant la main quand elle passait. Que même c'est de là que ça est arrivé. Parce qu'à un bon moment, voilà un gaillard qui entre, que ça se trouve être le bon ami de la servante. Enfin quoi, il se fréquente. Sérieusement ou pas, ben, je l'aurais pas demandé, pas. Quoi qu'il en soit, de voir ce jeune nez en train de tourner autour de sa web, ça n'y l'a plus qu'à moitié. Ah ben, mais toi à sa place. Oh, moi. Mais lui, c'était un débonnaire qui avait eu vite de quoi y retourner, n'est-ce pas? Ça fait que le voilà qui lit conversation. Il vient de loin ou quoi? Ah oui, je viens de par là-haut. Ah, tu viens souvent par là. Ma pointe non, manque d'occasion. Mais je reviendrai un peu plus souvent d'ici en là que ça ne m'étonnerait rien. À cause de la gamine, on ne peut rien te cacher. Parce qu'elle te fait de l'œil ou quoi? Pardine, elle est tellement jolie que je m'en voudrais d'y faire un front. Et patati, et patata, retroidécie et tout. Seulement mon jeunette est quand même rien inquiet. Il lui fallait bien aller chercher sa piquette. Ça fait qu'il paye, puis ça va. Puis l'autre l'accompagne bien gentiment. Bon, avec le char, jusque devant chez qui il devait vendre la piquette, puis le là, le jaloux, il fait... Écoute, il frappe 2 heures. Moi, je me dis que tu es en train de rater le meilleur moment de toute la journée. Pourquoi? Parce que le patron de la pinte est au champ, et à 2 heures, la patronne monte faire sa reposée. Ce qui fait que maintenant, jusque vers le milieu du tantôt, tu as chance d'être tout seul avec la petite. Du train dont ça va, ce serait dommage de s'arrater. Mais ma piquette... Bah, ne t'inquiète, tu laisses ta boissette là, je fais la commission, puis te la remplis, et tu n'as qu'à venir la reprendre vers les 5 heures pour partir. Dieu sait. À 5 heures, ma foi, la boissette était comme elle pouvait, mais le gamin, lui, était ralibus. On aurait voulu forcer, puis y enfiler encore 3 décis, que ça aurait fait sauter une côte ou gicler un œil, en tout cas. Hein? Se traîne vers son char, tapote pour vérifier que c'est plein, puis départ pour le village. C'est pour fêter son arrivée que les tiolus ont monté tout ce festival. Voilà. Mais le lendemain, voyons, que s'est-il passé? Oui, tu nous disais que ça s'était gâté. Oh, il y a de grave. Sauf que le père tiolu, quand il a eu mis sa bossette à la cave, il a quand même voulu la goûter. Premier verre. Rien qu'il fait. Je sens pas fendu ce qu'on fait cette mission. C'est de la piquette pour neurasthénique. Tu te rappelles ce domestique qui avait lâché le père Auguste? Ah ouais, un grand flambard avec des cheveux frisés. Une vraie ergole. Ma parole, on jurait que vous êtes jaloux. Oh, on se demande, est-ce que la Louise en pinçait ou quoi? Ah ben, dites pas de bêtises, quoi. Un domestique. Ben justement, mes amis, un soir, donc, je me trouvais chez le Auguste. Voilà l'Adélaïde qui sort de la maison. Tout avenante, comme elle était, avec un petit sourire qui faisait 3 fois le tour de la figure. Bon. Moi, je reste sur la porte sans la fermer, ce qui fait que j'avais, comme qui dirait, une oreille dans le corridor. Ça fait que j'entendais des petits bruits. D'abord, comme des pieds qui remuent sur le carreau. Et puis, vous voyez ça, des petites lapées, comme un chat qui boit du lait dans une soutane. Diable que je me fais! Qu'est-ce qui se passe dans ce corridor? Au bout d'un moment, qui est-ce qui passe? L'Adélaïde avait un air tout goulu, mais pas très contente de me trouver là. Et un moment après, le domestique. Pardine, comme si de rien n'était. Ce qui fait qu'à ton avis, le domestique Auguste... Il t'embrassait, cette Adélaïde, fallait le temps. Il tente le pour elle. Elle a eu aussi ses bons moments. Oh, bon, ça y a pas profité, parce que celle-là, comme épouère chrétienne, c'est un succès. Et comme indulgence pour les péchés d'autrui, pour en venir à ce qu'on disait tant qu'à faire... J'aimerais autant être jugé par un tribunal militaire que par un centre paroissien de cet acabit. Le macaviste, ce qui est juste, est juste. Moi, je me dis que l'Adélaïde a le droit de se montrer sévère parce qu'on ne peut pas lui reprocher de pousser au péché. Ah non, au crime tout au plus. Et encore, ça devrait être de toute poète humeur. Tout cela nous mène bien loin du Conseil national. Oh, pas tant que ça, dans la commission des pleins pouvoirs. Elle ne ferait pas tâche, oh là non. Quoi qu'il en soit, moi, ce qui me retiendrait si on m'offrait un siège, ça serait l'idée d'aller passer des 3/4 de mois à Berne. Oh, évidemment que ça, c'est le revers. Oh, ça n'est pourtant pas une vilaine ville. Mais par Dieu, non, paraît même qu'au point de vue historique, c'est tout ce qu'il y a d'extra. Oui, mais ça n'empêche pas que c'est de ces villes où on n'a pas tant envie de manquer le dernier train. Comme disait un de mes amis, à Berne, prétendait-il, il n'y a que 2 choses à faire. Donner des carottes aux ours de la fosse, ou en tirer à ceux du palais fédéral. À ceux du palais fédéral. La formule est jolie, mais on n'oserait pas la servir aux candidats ces jours. Eux qui font des efforts pour ressembler à la Joconde, bien plutôt qu'aux bestioles de la fosse. Non, tu sais qu'à vite, les formules, c'est tout du pareil. Il ne faut pas trop s'apprendre aux mots, parce que ça donne du vil. Tu te rappelles du fameux chapeau turc? Non. Voyons, le turc. Il est mort, voilà, 10-12 heures. Un était-il pas en veuf? Par Dieu, c'est même de là que vient l'histoire. M'en rappelle pas. Il faut vous dire que ce tute avait été dans son jeune âge un garçon plutôt bien de sa personne, dragon et tout, enfin, fait qu'il avait pas mal couraté de droite et de gauche avant de se fixer à la toute. Par conséquent, comme il arrive souvent dans ces cas, il n'avait peut-être pas choisi la meilleure. Non, pas méchante, sa femme est pleine de qualité, mais enfin, elle avait une forte voix. Elle avait le mode d'emploi. Voilà. Le chapeau, voyez-vous, le portait à cause de la femme. Ah ouais? Elle le trouvait joli. Pas tant, non. À cause de jolis souvenirs, on parierait que non, oh non. Et voilà ses yeux qui se plissent, ils se penchent, pour pas que tout le monde entende, puis nous fait. La femme ne pouvait pas le sentir, ce chapeau. Tant et si bien qu'un soir, elle m'a dit, « C'est ou bien, mais tant que tu auras ce chapeau, je ne sors plus avec toi. Oh » Oh là, quand tu m'auras tout dit, m'étonne plus qu'il n'ait pas voulu s'en séparer de ce... Porte-bonheur, comme il disait. Ah, t'as voûte de tour, c'est impossible. En tout cas, je vous garantis qu'on a bien ri. Oh là là, je ne me rappelle pas d'un enterrement où on ait autant ri. Santé. Conservation. À votre bonne santé, messieurs. Et bon, patron. Non. Prends de sa lisette, alors. Encore un demi, un tout petit. Oh, non, il faut que je me rentre. Ça porte bonheur aussi? Même pas, mais avec cet air d'automne, je me sens tout amoindri. Je suis courbu, pesant, j'ai les mollets pleins de nœuds. Allez, non, au revoir. Alors, tant pis. Bonsoir, Capis. Bonsoir, Réjean. Et dans 15 jours, à la même heure.